Chapitre 68e, le 14 juillet 1790. Ce travail qui, d'une plaine immense, devait faire une immense vallée entre deux collines, avait en effet, grâce à la coopération de Paris tout entier, été achevé dans la soirée du 13 juillet. Beaucoup de travailleurs, afin d'être sûrs d'y avoir leur place le lendemain, y avaient couché comme des vainqueurs couchent sur le champ de bataille. Biot et Pitou étaient allés rejoindre les fédérés et avaient pris place au milieu d'eux sur le boulevard. Le hasard fit, comme nous l'avons vu, que la place assignée aux députés du département de l'Aisne était justement celle où alla se heurter la voiture qui amenait à Paris Catherine et son enfant. Et en effet, cette ligne, composée de fédérés seulement, s'étendait de la Bastille au boulevard Bonne-Nouvelle. Chacun avait fait de son mieux pour recevoir ses hôtes bien-aimés. Quand on sut que les Bretons, ces aînés de la liberté, arrivaient, les vainqueurs de la Bastille allèrent au-devant d'eux jusqu'à Saint-Cyr et les gardèrent comme leurs hôtes. Il y eut alors des élans étranges de désintéressement et de patriotisme. Les aubergistes se réunirent et d'un commun accord, au lieu d'augmenter leurs prix, les abaissèrent. Voilà pour le désintéressement. Les journalistes, ces âpres jouteurs de tous les jours, qui se font une guerre incessante avec ces passions qui aigrissent en général les haines au lieu de les rapprocher, les journalistes, deux du moins, Loustalot et Camille Desmoulins, proposèrent un pacte fédératif entre les écrivains. Ils renonceraient à toute concurrence, à toute jalousie. Ils promettraient de ne ressentir désormais d'autre émulation que celle du bien public. Voilà pour le patriotisme. Malheureusement, la proposition de ce pacte n'eut pas d'écho dans la presse et resta pour le présent comme pour l'avenir à titre de sublime utopie. L'Assemblée avait reçu de son côté une portion de la secousse frénétique qui remuait la France comme un tremblement de terre. Quelques jours auparavant, elle avait, sur la proposition de messieurs de Montmorency et de Lafayette, aboli la noblesse héréditaire, défendue par l'abbé Maury, fils d'un savetier de village. Dès le mois de février, l'Assemblée avait commencé par abolir l'hérédité du mal. Elle avait décidé, à propos de la pendaison des frères Agas, condamnés pour faux billets de commerce, que l'échafaud ne flétrirait plus ni les enfants ni les parents du coupable. En outre, le jour même où l'Assemblée abolissait la transmission du privilège, comme elle avait aboli la transmission du mal, un Allemand, un homme des bords du Rhin, qui avait échangé ses prénoms de Jean-Baptiste contre celui d'Anacharsis, Anacharsis Klotz, baron prussien, né à Clèves, s'était présenté à la barre comme député du genre humain. Il conduisait derrière lui une vingtaine d'hommes de toutes les nations dans leurs costumes nationaux, tous proscrits et venant demander au nom des peuples, les seuls souverains légitimes, leur place à la fédération. Une place avait été assignée à l'orateur du genre humain. D'un autre côté, l'influence de Mirabeau se faisait sentir tous les jours. Grâce à ce puissant champion, la cour conquérait des partisans, non pas seulement dans les rangs de la droite, mais encore dans ceux de la gauche. L'Assemblée avait voté, nous dirons presque d'enthousiasme, 24 millions de listes civiles pour le roi et un douaire de 4 millions pour la reine. C'était largement rendre à tous deux les 208 000 francs de dette qu'ils avaient payés pour l'éloquent tribun et les 6 000 livres de rente qu'ils faisaient par mois. Du reste, Mirabeau ne paraissait pas s'être trompé non plus sur l'esprit des provinces. Ceux des fédérés qui furent reçus par Louis XVI apportaient à Paris l'enthousiasme pour l'Assemblée nationale, mais en même temps la religion pour la royauté. Ils levaient leur chapeau devant M. Bailly en criant « Vive la nation !» Mais ils s'agenouillaient devant Louis XVI et déposaient leurs épées à ses pieds en criant « Vive le roi !» Malheureusement, le roi, peu poétique, peu chevaleresque, répondait mal à tous ces élans du cœur. Malheureusement, la reine, trop fière, trop lorraine, si l'on peut dire, n'estimait point comme il le méritait ces témoignages venant du cœur. Puis, la pauvre femme, elle avait quelque chose de sombre au fond de la pensée, quelque chose de pareil à un de ces points obscurs qui tachent la face du soleil. Ce quelque chose de sombre, cette tache qui rongeait son cœur, c'était l'absence de Charny. De Charny qui certes eût pu revenir et qui restait près de M. de Bouillé. Un instant, quand elle avait vu Mirabeau, elle avait eu l'idée, à titre de distraction, de faire de la coquetterie avec cet homme. Le puissant génie avait flatté son amour-propre royal et féminin en se courbant à ses pieds. Mais au bout du compte, qu'est-ce pour le cœur que le génie? Qu'importe aux passions ces triomphes de l'amour-propre, ces victoires de l'orgueil? Avant tout, dans Mirabeau, La reine, de ses yeux de femme, avait vu l'homme matériel. L'homme avec son obésité maladive, ses joues sillonnées, creuses, déchirées, bouleversées par la petite vérole, son œil rouge, son cou engorgé. Elle lui avait immédiatement comparé Charny. Charny, l'élégant gentilhomme à la fleur de l'âge, dans la maturité de la beauté. Charny, sous son brillant uniforme, qui lui donnait l'air d'un prince des batailles, tandis que Mirabeau, sous son costume, ressemblait, quand le génie s'animait par sa puissante figure, à un chanoine déguisé. Elle avait haussé les épaules. Elle avait poussé un profond soupir, avec des yeux rougis par l'éveil et par les larmes. Elle avait essayé de percer la distance, et d'une voix douloureuse et pleine de sanglots, elle avait murmuré « Charny, oh Charny !» Qu'importait à cette femme, en de pareils moments, les populations accumulées à ses pieds? Que lui importaient ces flots d'hommes poussés comme une marée par les quatre vents du ciel, et venant battre les degrés du trône en criant « Vive le roi, vive la reine !» Une voix connue, qui murmurait à son oreille « Marie, rien n'est changé en moi. Antoinette, je vous aime. » Cette voix lui fait croire que rien non plus n'était changé autour d'elle et eut plus fait pour la satisfaction de ce cœur, pour la sérénité de ce front, que tous ses cris, que toutes ses promesses, que tous ses serments. Enfin, le 14 juillet était venu impassiblement et à son heure, amenant avec lui ses grands et ses petits événements qui font à la fois l'histoire des humbles et des puissants, du peuple et de la royauté. Comme si ce dédaigneux 14 juillet n'eût pas su qu'il venait pour éclairer un spectacle inouï, inconnu, splendide, il vint le front voilé de nuages, soufflant le vent et la pluie. Mais une des qualités du peuple français est de rire de tout, même de la pluie des jours de fête. Les gardes nationaux parisiens et les fédérés provinciaux, entassés sur les boulevards depuis 5 heures du matin, trempés de pluie, mourant de faim, riaient et chantaient. Il est vrai que la population parisienne, qui ne pouvait pas les garantir de la pluie, eut au moins l'idée de les guérir de la faim. De toutes les fenêtres, on commença à leur descendre avec des cordes, des pains, des jambons et des bouteilles de vin. Il en fut de même dans toutes les rues par où ils passèrent. Pendant leur marche, 150 000 personnes prenaient place sur les terres du Champ de Mars, et 150 000 autres se tenaient debout derrière elles. Quant aux amphithéâtres de Chaillot et de Passy, ils étaient chargés de spectateurs dont il était impossible de savoir le nombre. Magnifique cirque, gigantesque amphithéâtre, splendide arène, où eut lieu la Fédération de la France et aura lieu un jour la Fédération du Monde. Que nous voyions cette fête ou que nous ne la voyions pas, qu'importe, nos fils la verront, le monde la verra. Une des grandes erreurs de l'homme est de croire que le monde tout entier est fait pour sa courte vie, tandis que ce sont ces enchaînements d'existences infiniment courtes, éphémères, presque invisibles, excepté à l'œil de Dieu, qui font le temps, c'est-à-dire la période plus ou moins longue, pendant laquelle la Providence, cet Isis au quadruple mamelle qui veille sur les nations, travaille à son œuvre mystérieuse et poursuit son incessante genèse. Et certes, tous ceux qui étaient là croyaient bien la tenir de près, par ses deux ailes, la fugitive déesse qu'on appelle la liberté, qui n'échappe et ne disparaît que pour reparaître, à chaque fois, plus fière et plus brillante. Ils se trompaient, comme se trompèrent leurs fils, lorsqu'ils crurent l'avoir perdue. Aussi, quelle joie, quelle confiance dans cette foule, dans celle qui attendait assise ou debout, comme dans celle qui, passant la rivière sur le pont de bois bâti devant Chaillot, envahissait le Champ de Mars par l'Arc de Triomphe. À mesure qu'entraient les bataillons de fédérés, de grands cris d'enthousiasme, et peut-être un peu d'étonnement au tableau qui frappait leurs yeux, de grands cris poussés par le cœur s'échappaient de toutes les bouches. Et en effet, jamais pareil spectacle n'avait frappé l'œil de l'homme. Le Champ de Mars, transformé comme par enchantement, une plaine changée en moins d'un mois en une vallée d'une lieue de Tours. Sur les talus quadrangulaires de cette vallée, 300 000 personnes assises ou debout. Au milieu, l'autel de la patrie auquel on monte par 4 escaliers correspondant aux 4 faces de l'obélisque qui le surmonte. À chaque angle du monument, d'immenses cassolettes brûlant cet encens que l'Assemblée nationale a décidé qu'on ne brûlerait plus que pour Dieu. Sur chacune de ces 4 faces, des inscriptions annonçant au monde que le peuple français est libre et conviant les autres nations à la liberté. Ô grande joie de nos pères ! À cette vue, tu fus si vive, si profonde, si réelle, que les tressaillements en sont venus jusqu'à nous. Et cependant, le ciel était parlant comme un augure antique. À chaque instant, de lourdes averses, des rafales de vent, des nuages sombres. 1793, 1814, 1815. Puis de temps en temps, au milieu de tout cela, un soleil brillant. 1830, 1848. Ô prophète, qui fusse venu dire l'avenir à ce million d'hommes, comment eussent été reçus? Comme les Grecs recevaient Calchas, comme les Troyens recevaient Cassandre. Mais ce jour-là, on n'entendit que deux voix, la voix de la foi à laquelle répondait celle de l'espérance. Devant les bâtiments de l'école militaire, des galeries étaient dressées. Ces galeries, couvertes de draperies et surmontées de drapeaux aux trois couleurs, étaient réservées pour la reine, pour la cour et pour l'Assemblée nationale. Deux trônes pareils, et s'élevant à trois pieds de distance l'un de l'autre, étaient destinés au roi et au président de l'Assemblée. Le roi nommé, pour ce jour seulement, chef suprême et absolu des gardes nationales de France, avait transmis son commandement à M. de Lafayette. Lafayette était donc, ce jour-là, généralissime connétable de 6 millions d'hommes armés. Sa fortune était pressée de l'arrivée au fait. Plus grande que lui, elle ne pouvait tarder à décliner et à s'éteindre. Ce jour, elle fut à son apogée. Mais, comme ces apparitions nocturnes et fantastiques qui dépassent peu à peu toutes les proportions humaines, elle n'avait grandi démesurément que pour se dissoudre en vapeur, s'évanouir et disparaître. Mais pendant la Fédération, tout était réel et tout avait la puissance de la réalité. Peuple qui devait donner sa démission, roi dont la tête devait tomber, généralissime que les quatre pieds de son cheval blanc devaient mener à l'exil. Et cependant, sous cette pluie hivernale, sous ces rafales tempétueuses, à la lueur de ces rares rayons, non pas même de soleil mais de jour, filtrant à travers la voûte sombre des nuages, les fédérés entraient dans l'immense cirque par les trois ouvertures de l'Arc de Triomphe. Puis, derrière leur avant-garde, pour ainsi dire, 25 000 hommes environ, se développant sur deux lignes circulaires pour embrasser les contours du cirque, venaient les électeurs de Paris, ensuite les représentants de la Commune, enfin l'Assemblée nationale. Tous ces corps, qui avaient leur place retenue dans les galeries adossées à l'école militaire, suivaient une ligne droite, souvent seulement comme le flot devant rocher pour côtoyer l'autel de la patrie, se réunissant au-delà comme ils avaient été réunis en deçà, et touchant déjà de la tête les galeries tandis que la queue, immense serpent, étendait son dernier repli jusqu'à l'Arc de Triomphe. Derrière les électeurs, les représentants de la Commune et de l'Assemblée nationale, venaient le reste du cortège, fédérations, députations militaires, gardes nationaux. Chaque département portant sa bannière distinctive, mais reliée, enveloppée, nationalisée, par cette grande ceinture de bannière tricolore qui disait aux yeux et au cœur ces deux mots, les seuls avec lesquels les peuples, ces ouvriers de Dieu, font les grandes choses, patrie, unité. En même temps que le président de l'Assemblée nationale montait à son fauteuil, le roi montait au sien et la reine prenait place dans sa tribune. Hélas, pauvre reine! Sa cour était mesquine. Ses meilleurs amis avaient eu peur et l'avaient quittée. Peut-être, si l'on eût su que grâce à Mirabeau, le roi avait obtenu 25 millions de douaires, peut-être quelques-unes seraient-elles revenues, mais on l'ignorait. Quant à celui qu'elle cherchait inutilement des yeux, Marie-Antoinette savait que celui-là, ce n'était ni l'or ni la puissance qui l'attirait près d'elle. À son défaut, ses yeux au moins voulurent s'arrêter sur un visage ami et dévoué. Elle demanda où était M. Isidore de Charny, et pourquoi la royauté, ayant si peu de partisans au milieu d'une si grande foule, ses défenseurs n'étaient pas à leur poste autour du roi et au pied de la reine. Nul ne savait où était Isidore de Charny, et celui qui lui eût répondu qu'à cette heure il conduisait une petite paysanne, sa maîtresse, dans une modeste maison bâtie sur le versant de la montagne de Bellevue, lui eût fait certainement hausser les épaules de pitié, s'il ne lui eût pas serré le cœur de jalousie. Qui sait, en effet, si l'héritière des Césars n'eût pas donné trois des couronnes, n'eût pas consenti à être une paysanne obscure, fille d'un obscur fermier, pour être aimée encore d'Olivier, comme Catherine était aimée d'Isidore. Sans doute, c'étaient toutes ces pensées qu'elle roulait dans son esprit, lorsque Mirabeau, saisissant un de ses regards douteux, moitié rayon du ciel, moitié éclair d'orage, ne put s'empêcher de dire tout haut, « Mais à quoi pensait donc la magicienne ?» Si Cagliostro eût été à portée d'entendre ces paroles, peut-être eût-il pu lui répondre « Elle pense à la fatale machine que je lui ai fait boire au château de Tavernet dans une carafe, et qu'elle a reconnue un soir aux Tuileries sous la plume du docteur Gilbert. Et il se serait trompé, le grand prophète qui se trompait si rarement. Elle pensait à Charny absent et à l'amour éteint. Et cela, au bruit de 500 tambours et de 2000 instruments de musique, que l'on entendait à peine parmi les cris de « Vive le roi ! Vive la loi ! Vive la nation !» Tout à coup, un grand silence se fit. Le roi était assis comme le président de l'Assemblée nationale. 200 prêtres, vêtus d'aube blanche, s'avançaient vers l'autel, précédés de l'évêque d'Autun, M. de Talleyrand, le patron de tous les prêteurs de serment, passés, présents et futurs. Il monta les marches de l'autel de son pied boiteux, le Méphistophélès attendant le faust qui devait apparaître aux 13 vendémiaires. Une messe, dite par l'évêque d'Autun. Nous avions oublié cela au nombre des mauvais présages. Ce fut à ce moment que l'orage redoubla. On eût dit que le ciel protestait contre ce faux prêtre qui allait profaner le saint sacrifice de la messe, donner pour tabernacle au Seigneur une poitrine que devait souiller tant de parjures à venir. Les bannières des départements et les drapeaux tricolores, rapprochés de l'autel, lui faisaient une ceinture flottante dont le vent du sud-ouest déroulait et agitait violemment les mille couleurs. La messe achevée, M. de Talleyrand descendit quelques marches et bénit le drapeau national et les bannières des 83 départements. Puis commença la cérémonie sainte du serment. Lafayette jurait le premier au nom des gardes nationales du royaume. Le président de l'Assemblée nationale jurait le second au nom de la France. Le roi jurait le troisième en son propre nom. Lafayette descendit de cheval, traversa l'espace qui le séparait de l'autel, en monta les degrés, tira son épée, en appuya la pointe sur le livre des évangiles, et d'une voix ferme et assurée, « Nous jurons, dit-il, d'être à jamais fidèles à la nation, à la loi, au roi, de maintenir de tout notre pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi, de protéger, conformément aux lois, la sûreté des personnes et des propriétés, la circulation des grains et subsistances dans l'intérieur du royaume, la perception des contributions publiques sous quelque forme qu'elles existent, de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. » Il s'était fait un grand silence pendant ce serment. À peine fut-il achevé que 100 pièces de canon s'enflamment à la fois et donnent le signal au département voisin. Alors, de toute ville fortifiée partit un immense éclair, suivi de ce tonnerre menaçant inventé par les hommes, et qui, si la supériorité se mesure au désastre, a depuis longtemps vaincu celui de Dieu. Comme les cercles produits par une pierre jetée au milieu d'un lac, et qui vont s'élargissant jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord, chaque cercle de flamme, chaque grondement de tonnerre s'élargit ainsi, marchant du centre à la circonférence, de Paris à la frontière, du cœur de la France à l'étranger. Puis le président de l'Assemblée nationale se leva à son tour, et tous les députés, debout autour de lui, il dit « Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi, au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. » Et à peine avait-il achevé que la même flamme brilla, que la même foudre retentit et roula d'écho en écho vers toutes les extrémités de la France. C'était le tour du roi. Il se leva. « Silence ! Écoutez tous de quelle voix il va faire le serment national, celui qu'il trahissait au fond du cœur en le faisant. Prenez garde, sire, le nuage se déchire, le ciel s'ouvre, le soleil paraît. Le soleil, c'est l'œil de Dieu. Dieu vous regarde. Moi, roi des Français, dit Louis XVI, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi constitutionnelle de l'État à maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et accepté par moi, et à faire exécuter les lois. Oh, sire, sire, pourquoi cette fois encore n'avez-vous pas voulu jurer à l'autel ? Le 21 juin répondra au 14 juillet. Varennes dira le mot de l'énigme du champ de Mars. Mais faux ou réel, le serment n'en fit pas moins sa flamme et son bruit. Les 100 pièces de canon éclatèrent comme elles avaient fait pour Lafayette et pour le président de l'Assemblée. Et l'artifice des départements alla porter une troisième fois ce menaçant avis au roi de l'Europe. « Prenez garde, la France est debout. Prenez garde, la France veut être libre. et comme cet ambassadeur romain qui portait dans un pli de son manteau la paix et la guerre, elle est prête à secouer son manteau sur le monde.